بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في سورة عبسة traduit par ici en fournier في المسألة الرابعة عشر بعد المئتين 214 مسألة في قوله تعالى أن جاءه الأعمى que l'aveugle lui est venu عبسة verset 2 que l'aveugle lui est venu قال المؤلف رحمه الله تعالى عبر الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله ابن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس مع أنه قال ولا تنابزوا بالألقاب. Donc Allah عز وجل a parlé ici à propos de ce sahabi, ce grand sahabi qui est عبد الله ابن أم مكتوم, qui était l'un des muazzins du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, par un surnom que les gens n'aiment pas à la base, le fait de dire l'aveugle. Alors que dans le Coran, Allah dit bien, et ne vous lancez pas de sobriquets. Al-Hujurat, verset 11. Donc là, comment se fait-il que Allah emploie un terme pour un sahabi, et dans notre verset, il dit de ne pas se nommer de la sorte. Déjà, il faut savoir une chose, que les laqab, comme l'aveugle, Al-A'ma, ou Al-A'mash, ou Al-A'raj, ou Al-Zalika, sont des surnoms, comme le borgne, ou le boiteux, ou le grand, ou le court. Si jamais la personne accepte ce laqab, et que cela est employé juste pour le reconnaître, et non pas pour se moquer de lui, cela est permis en religion. Cela est permis en religion. Et pour preuve, le hadith de Zul Yadayn, celui qui avait deux longues mains, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sujet de Sahou, les sahaba appelaient cet homme Zul Yadayn, car il avait de grandes mains. Donc cela démontre que cela est permis dans certaines situations. Mais si la personne n'aime pas cela, alors il faut délaisser. طيب. قال المؤلف والجواب ومن نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عن لفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان يرى ما هو مشغول به من صناديد الكفار لما قطع كلامه. Donc des ulama, ils ont bien dit que Allah Azzawajal, c'est quoi la subtilité du fait qu'il est nommé de la sorte? C'est pour montrer son excuse, en disant l'aveugle. Montrer son excuse du fait qu'il ait coupé la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci était en entretien avec les notables de Quraysh. Car si Amil avait été une personne voyante, il aurait vu ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé, il ne l'aurait jamais coupé la parole. Donc ce terme-là, aveugle, était venu ici en guise d'excuse pour lui. Pour montrer ce qu'il a fait, il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Donc de là, il était excusé de son acte. هذا هو الجواب. Telle est la réponse donnée par l'auteur. والعلم عند الله تعالى والحمد لله رب العالمين.